Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Les régates de Saint-Félicien, un événement rassembleur, un week-end enlevant. Ici Régent Côté, l'équipe de ProNetGus est heureuse de soutenir l'organisation des régates et vous invite à participer aux nombreuses activités. Plus de 75 hydroplanes et des pilotes de partout en Amérique se donnent rendez-vous à Saint-Félicien. Bravo aux bénévoles des régates et bienvenue aux visiteurs. Les régates de Saint-Félicien, les 22, 23 et 24 juin, une invitation de ProNetGus, Régent Côté. Quand c'est pro, c'est net, c'est pro net. On va parler de soccer régional. Benoît Lavoie va être là toutes les semaines. Une semaine, il va parler de soccer régional. L'autre semaine, il va parler de la Coupe du Monde. Mais durant la Coupe du Monde, il va être là deux fois par semaine, sauf que les fois qu'il va être en Russie. Salut, Benoît. Salut, Zen Radio Sport. Salut, Benoît. Là, on va parler seulement... Hey, avant, parce que ça s'applique aussi, là. Ça s'applique aussi au soccer régional. Ça s'applique partout, en fait, là. Je ne sais pas si on va le temps d'en parler samedi, parce qu'on va se parler samedi exceptionnellement. Je veux que tu reviennes sur l'article de Stéphane Laporte. Les gens comprennent rien. Hein. Le soccer européen... Pour résumer l'article, les gens qui n'ont pas lu l'article, c'est que Stéphane Laporte blâme un peu le soccer. Il dit qu'il y a beaucoup de fakeage au soccer comparativement au hockey et ainsi de suite. Puis qu'il n'est pas capable avec ça. Faut comprendre de quoi. En Europe, c'est ça. Mais en MLS, j'en vois jamais de fakeage. J'en vois toujours du fakeage dans MLS. C'est une mentalité. On a vu un, il n'y a pas si longtemps, Danny, là, Zlatan Ibrahimovic avec... Ouais, mais c'est un joueur européen aussi. Non, mais je veux dire... Non, c'est international, ça, le fakeage. Ouais, mais dans MLS, on en voit moins. Non, mais Danny, il faut arrêter de mettre l'accent là-dessus, là, le niaisage, là, c'est assez, là, les joueurs de hockey, puis les autres qui n'aiment pas ça. Regarde, tournez de poste, puis allez voir le sport, on n'a rien à foutre, là. Moi, je suis un maniaque de soccer, puis regarde, cette histoire de fakeage, ça fait partie de la game, ça fait partie... C'est plate à voir quand ça arrive, mais qu'est-ce que tu veux, il faut aller plus loin que ça. Écoute, quand tu compares à MLS, Europe, c'est partout, là. Les Sud-Américains, les Africains, c'est dans leur culture. Maintenant, je te ramène au hockey. Quand un gars, ça fait mal au hockey, ce qu'il s'en va, il s'en va sur le banc, il s'en va se faire nexer. Au soccer, c'est pas tout à fait ça, il tombe à terre, il y a trois changements. Maintenant, tu peux voir au super ralenti, il a-tu faké, il a-tu pas faké. Premièrement, il faut avoir joué pour savoir c'est quoi cette histoire-là. Il y en a qui se font vraiment mal. Le fakeage, c'est toujours désolant de voir ça. Je suis un grand fan de soccer et quand ça arrive, j'aime pas ça non plus, mais ça fait partie de la game. Maintenant, il faudrait peut-être que les arbitres soient encore plus sévères, que la FIFA sévisse plus par rapport à ça, mettre un règlement à même ça nous arrive des fois de jouer contre des matchs, des fois contre des gens qui d'autres origines. Puis ça va arriver des fois que les gars vont avoir un petit coup, ils vont se lamenter. Le gars, il se fait parler souvent par les autres joueurs. Lève-toi, il réveille. Ça t'a pas fait si mal que ça, mais il y a des coups qui font mal aussi. Donc, par rapport à ça, moi, je veux dire, il faut évoluer par rapport à ça. Il faut aller plus haut que ça. Le commentaire de Laporte, ce que j'ai pu voir, c'est que il sort un commentaire de soccer à tous les deux ans par rapport à l'Euro, ouais. Par rapport à la Coupe du Monde. Il veut faire parler de lui. Il veut lever le débat. Mais regarde, moi, je tourne la page à ça. Puis je tourne la page à tous les, entre guillemets, à tous les crétins qui reviennent avec ça tout le temps. Il est en feu un matin. Benoît, qu'est-ce que t'as fait? Il y a d'autres choses à parler que ça, là. OK. Hey, on va y aller du soccer strictement régional aujourd'hui, OK? Soccer régional, Danny, on fait un tour de table rapide. Ouais. On commence par l'équipe un peu. Oui, je suis dans le Haut-du-Lac. On va faire un tour des équipes de Saint-Félicien, Dolbeau, Robertval et puis tout ça. Mais si je veux parler un peu de l'équipe qui est en tête de liste, qui est le plus haut niveau, c'est bien l'équipe du Chinook de Chicoutimi en U17 masculin. C'est une équipe qui évolue dans la division 3A. Il y a trois ou quatre gars d'Alma là-dedans qui jouent dans cette équipe-là aussi, il faut le mentionner. C'est une saison très difficile parce que le 3A, c'est c'est vraiment le niveau le plus élevé là au niveau des jeunes, des catégories jeunes. C'est un niveau très élevé. Il y a 14 équipes dans cette ligue-là. Faut savoir que c'est un gros projet pour les jeunes quand ils embarquent là-dedans, parce que ça commence au mois de avril-mai et ça finit au mois de septembre. C'est tous les fins de semaine de l'été. Donc, le jeune à 17 ans qui s'embarque là-dedans, très difficile de se trouver peut-être des emplois là pour la fin de semaine. Mmh. Donc, c'est un projet d'été quand même assez important pour ces jeunes-là. Je veux le mentionner. Ils sont en 13e position sur 14. C'est très difficile. C'est très relevé. Ils ont 2 victoires, 8 défaites. Ils ont 6 points. Ils ont perdu 2 matchs la semaine dernière contre Salaberry. Ils ont 4-0 et 6-1. Ils s'en vont jouer à Québec en fin de semaine. On leur souhaite un bon match. J'invite les gens à l'UQAC à 14h. Ils vont jouer un match contre Québec le dimanche prochain, le 24 juin. Donc, le Chinook U17, une équipe intéressante. OK. Si on descend de niveau un petit peu, Québec Métro, il y a 4 équipes de la région qui participent à ce niveau-là, qui est le niveau en bas que je te parlais tout à l'heure. Il y a dans le U15, U16 féminin, il y a une équipe du Boreal d'Alma qui présentement est en première position. C'est un niveau quand même assez élevé. Assez élevé au niveau de la compétition par rapport à ça. C'est du U16 féminin. 4 victoires, 1-0, 1 défaite pour 13 points sont en tête. Ils ont gagné 2 matchs la semaine passée. Ils jouent en fin de semaine à Beauport. Dans le U14 féminin, une deuxième équipe féminine, le Mistral de Jonquière, qui est en dernière position. Ils n'ont pas connu la victoire encore cette année, 1-0 seulement. Ils n'ont pas joué la semaine dernière, ils jouent à Québec en fin de semaine. Et dans le masculin, on a une équipe allemande en U15 masculin. Ils dominent le classement, 4 victoires, 1-0, 1 défaite. Ils ont gagné à Charlebourg 4-2 semaine passée. Ils s'en vont jouer à Québec en fin de semaine. Et la dernière équipe de cette ligue-là, le Boreal d'Alma en U14 masculin, difficile, 9e position. Ils n'ont pas gagné encore un match cette année. Ils n'ont pas eu de match la semaine dernière et ils s'en vont jouer. Il n'y a pas de match en fin de semaine non plus. OK. Bon. Par la suite, mon cher Danny, on peut y aller au niveau régional. On va commencer au niveau masculin, au niveau D1 régional. C'est l'équipe du FC du Fjord qui domine le classement. Chicoutimi est 2e. Le FC du Lac de Roberval est en 3e position. Donc, on va faire les 2-3 premières positions. C'est assez serré. Des équipes ont 3-4 matchs de jouer là, jusqu'à date. Dans le D1 senior féminin, alors présentement, on a l'équipe du Chinook qui domine devant Alma et Alma. Il n'y a pas d'équipe du Haut-du-Lac dans ce coin-là. Si on va dans le D2 senior masculin, on revient au masculin. C'est l'équipe d'Héberville. L'équipe d'Héberville en senior D2 qui mène le classement présentement avec 10 points. Ils ont 3 victoires, 1-0, 1 défaite. Ils sont en avant de Jonquière et l'équipe de Dolbeau-Mistassini est en 3e position avec 3 victoires, 1-0. On a joué, nous, contre Dolbeau. Ils ont une bonne petite équipe de jeunes. Par la suite, il y a l'équipe de Saint-Félicien dans ce D2 masculin-là, senior, qui ferme la marche en 8e position. Ils n'ont pas remporté de match encore. Dans le D2 féminin maintenant, dans le senior toujours, si je regarde le classement, alors c'est une équipe de Saint-Bruno qui mène le classement devant une équipe de Saint-Prime qui est en 2e position. Tu as une équipe de Dolbeau qui est en 5e position de ce classement-là, qui a 7 équipes. Si on s'en va par la suite dans le masculin, on revient dans le niveau plus bas, un peu dans le D3, c'est des catégories plus jeunes. D3 masculin en senior, on n'a pas d'équipe dans le Haut-du-Lac, mais c'est une équipe d'Alma qui domine le classement dans cette division-là. Okay. Danny, maintenant, si je m'en vais dans le U16 masculin, quand on dit U16, c'est bien dans les catégories under, en bas de 16 ans, il y a 3 équipes. Alma est en avance sur Saint-Félicien, qui est en 2e position dans le U16 masculin. Si je vais dans le U16, il y a 3 équipes dans cette division-là. Roberval est en 3e position, pour le mentionner, l'Uni de Roberval. Dans le U16 féminin, Alors, si je m'en vais dans le U16 féminin, alors il y a 5 équipes. C'est Alma qui mène la marche avec 3 victoires, 1-0 avec 10 points, suivi de Roberval, l'Uni de Roberval en 2e position. Et en 3e et 4e, tu as 2 équipes de Saint-Félicien qui sont ex-aequo avec 1 point. Ils ont 1-0 à date cette année. Si je descends maintenant dans les divisions U14, on est maintenant rendu U14 dans le masculin. U14 masculin, on a 4 équipes. C'est une équipe dans la division Lac-Saint-Jean, c'est l'équipe du Mahican de Saint-Félicien qui est en première position, devant Dolbeau-Mistassini en 2e position. Roberval est en 3e, l'Uni de Roberval, et en 4e, on a encore une équipe de Dolbeau, mais de plus jeunes un peu qui sont là. Il y a une division Saguenay aussi dans le U14 masculin. La division Saguenay, j'ai une équipe d'Alma, Saguenay, Lac un peu, si tu veux, c'est Alma qui domine devant Chicoutimi. On a une équipe de Métabetchouan qui est en 4e position. Et si on y va maintenant dans le U14 féminin, c'est une division, une ligue à 6 équipes. C'est Chicoutimi qui est en avance à co-égalité avec l'équipe de Saint-Félicien. Avec, ils ont chacune 2 victoires, 1 défaite. Donc, ils ont 3 matchs de jouer. L'Uni de Robertval a 4 points. Par la suite, une équipe de Métabetchouan-Lacalacroix qui est en 4e position. Okay. Ça fait le tour du U14. Je ne sais pas si tu veux parler du U12 un peu. On parle d'économie plus jeune encore. Peux-tu y aller un petit peu? Oui, oui. Dans le masculin U12, ben, un jour, il y a eux nécessairement dans le U12, comme je peux le voir, il n'y a pas de classement. Donc, c'est le droit pour commencer à s'habituer. C'est ça. L'ARS n'a pas mis de classement. C'est les nouvelles réglementations qu'on a mises au niveau technique cette année. Donc, ça fait le tour un peu des équipes régionales en partant du 3A dans la Ligue Québec Métro et du secteur régional dans la région. OK. Ça fait pas mal le tour, pas mal. Benoît, oui. Je veux te garder là, dans quelques secondes. Je veux te parler de la Première Ligue. Est-ce qu'on pourrait voir une équipe au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Vous êtes à l'écoute de notre vie. Benoît Lavoie d'Espace Soccer sur les ondes de DanRadioSport.com. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets Chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets Chinois, au 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. On est de retour à DanRadioSport.com. On va parler avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Benoît, j'ai lu un article il y a quelques semaines sur qu'on parle d'une équipe de la Première Ligue à Québec. Là, il y en a une, Danny. Hein? Hein? Il y en a une, OK. La première Ligue à Québec, le Dynamo de Québec, elle joue dans cette ligue-là. Oui, OK. Mais est-ce que tu penses qu'il va avoir ça pourrait même venir au sein de l'Axe? Parce que là, il va y avoir un développement de soccer avec l'avenue de la Coupe du Monde au Canada. Bah, tu sais que moi, ça va durer une couple d'années que je t'en parle. Ça a raté un projet, j'aurais aimé, moi, brasser, travailler sur. C'est sûr que les clubs vont s'en occuper. L'association régionale, parce que ça marche par la fédération. On va voir Olivier Chartier. Ça prend des coups, mais c'est du semi-professionnel. Olivier va sûrement dire que c'est un projet dans le futur. Mais pas sûr que la région est rendue là encore. Mais moi, je vois ça un peu comme les Marquis de Jonquière dans la ligue nord-américaine. C'est un peu ce formule-là parce que ça prend des joueurs semi-pro. Il y a des joueurs qui sont payés un peu là-dedans. L'équipe de Québec a quand même une très bonne équipe. Elle existe depuis 2 ans, comme je te dis. Mais avant tout, je pense qu'avant de penser à ça ici dans la région, il faut penser peut-être justement au fameux stade intérieur à Ville-Saguenay. Ben oui, c'est pas fait dans dont notre bon ami Michel Tifo a annoncé dernièrement. Il a dit que ça allait se faire. On espère qu'à un moment donné, à Ville-Saguenay, que les paroles passent aux actes. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oh. C'est facile de parler, mais ça sera le temps que les paroles passent aux actes. On attend une subvention. On va les attendre pendant 20 ans, une subvention, si ça continue. Effectivement. Donc, ça passe par là, Danny. Ça passe par là, une équipe dans ce circuit-là. Ça prend un minimum. Ça va prendre un centre intérieur pour que les équipes, les joueurs puissent jouer à l'année, puis qu'il y ait des joueurs de niveau. Je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt. Si on voudrait s'enligner vers une formule, un peu comme je t'ai mentionné, la Ligue semi-pro à Jonquière, ben là, à ce moment-là, ça va prendre plus de coups, ça va prendre des gros coups, parce que si tu veux payer des joueurs, tu veux les faire venir des fins de semaine, je sais pas comment, et au niveau des entraînements, ça serait-il que les pratiques des Marquis, ça se fait, il n'y en a presque pas, les entraînements, les gars descendent pour les matchs des fins de semaine. Ça pourrait être cette formule-là, mais c'est pas certain que la fédération voudrait ce genre de formule-là, mais si la région voudrait se doter d'un tel club, il faudrait aller dans ce sens-là. Tu vas poser la question à Olivier Chartier. Je suis pas sûr qu'il va voir ça comme moi je le vois, mais il est peut-être pas rendu là non plus. Ben, effectivement. Benoît, on s'en parle samedi matin. Yes. Et nous, ben demain, je te dis tout de suite, Adrián Lobert, ton ami, va nous parler en direct de l'Espagne pour parler un peu comment que les Espagnols vivent. C'est pas convaincant à date, l'Espagne. Hier, contre l'Iran, ça n'a pas été facile. Les matchs de barrage, les matchs dans les groupes, c'est toujours pas évident. Les équipes qui sont type moins forte un peu, ont des grosses stratégies défensives, des blocs défensifs. Mmh. Alors, les équipes doivent, les entraîneurs doivent travailler. Les équipes qui sont plus fortes de possession de balle maintenant, on fait circuler la balle beaucoup, mais c'est ça, ils doivent penser comment trouver des espaces puis aller pour pouvoir marquer des buts. Sinon, les phases de groupe sont très difficiles pour les nations. Benoît, on s'en reparle samedi matin. Yes, salut. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.